Chapitre 11e. Premières impressions. Marguerite, dit Mr. Hale en revenant de conduire leur hôte jusqu'au bas de l'escalier, je n'ai pas pu m'empêcher d'examiner ta figure avec inquiétude lorsque Mr. Thornton a confessé qu'il avait été garçon de boutique. Mr. Bell me l'avait dit il y a longtemps, je n'ai donc pas été surpris, mais je m'attendais à te voir quitter le salon. Oh, papa, vous ne me croyez pas aussi niaise. De tout ce qu'il a dit ce soir, c'est le récit de sa jeunesse qui m'a fait le plus de plaisir. Ses autres paroles m'ont complètement révolté, mais il parle de lui avec tant de simplicité. Il a si peu de cette prétention qui fait la vulgarité des gens de boutique. Il professe pour sa mère un si tendre respect que j'étais bien plus loin de m'en aller à ce moment-là que quand il a vanté Milton comme si c'était une ville sans pareil, ou qu'il a exprimé son mépris pour l'imprévoyance du peuple, sans avoir seulement l'air de se douter que c'était son devoir d'essayer de le rendre meilleur, de lui donner un peu de cette éducation qu'il doit à sa mère, et qui est évidemment la source de sa fortune. Non, l'aveu qu'il a fait d'avoir été garçon de magasin est assurément de toute sa conversation la chose qui m'a fait le plus de plaisir. « Tu me surprends, Marguerite, » lui dit sa mère. « Toi qui reprochais aux gens d'Elstone de sentir la boutique. Je trouve que vous avez eu tort, Monsieur Hale, de nous présenter un pareil individu sans nous avertir de ce qu'il avait été. Je crains vraiment de lui avoir montré combien j'étais choqué de plusieurs de ses paroles. Par exemple, son père, qui mourut dans les circonstances les plus misérables, serait-il mort à l'hospice ou dans un workhouse ? Je ne suis pas bien sûr que la chose ne soit pas encore plus triste. Répondait Mr. Hale. J'ai entendu dire à Mr. Bell que Mr. Thornton le père, après avoir fait des spéculations insensées qui amenèrent sa faillite, ne put supporter le déshonneur et recours au suicide. Tous ses amis s'éloignèrent lorsqu'ils apprirent le jeu déshonnête auquel il s'était livré en risquant l'argent des autres pour regagner sa fortune, et pas un d'eux ne vint en aide à sa veuve et à son fils. Il y avait un second enfant, une petite fille, trop jeune pour rien gagner, mais qu'il n'en fallait pas moins nourrir. Mrs. Thornton n'était pas femme à solliciter une bienveillance qui ne paraissait pas vouloir se montrer. Elle quitta Milton, et son fils, comme il vous l'a dit ce soir, entra chez un drapier, où il gagna de quoi subvenir en partie aux besoins de sa mère et de sa sœur. Mr. Bell me disait que pendant plusieurs années, il n'avait mangé littéralement que de la panade sans beurre. Comment ce régime a-t-il pu les faire vivre? C'est là ce qu'on ne saurait dire. Toujours est-il que les créanciers du père Thornton avaient perdu depuis longtemps, s'ils avaient jamais eu l'espoir de rentrer dans leurs créances, lorsque le fils reparut à Milton, alla sans bruit les trouver tour à tour et leur paya le premier terme de ce qui leur était dû. Pas de réunion, pas d'éclat, tout cela se fit en silence. Mais tout fut payé un beau jour grâce à l'un des créanciers, un bourru bienfaisant, qui employa Mr. Thornton et lui donna une part dans les bénéfices de sa maison. « Tout cela est fort beau, » dit Marguerite. « Quel dommage qu'une pareille nature ait été gâtée par le commerce. »« Gâtée ? » s'écria son père. « Mais oui, papa, gâtée par l'habitude de n'estimer les choses que d'après ce qu'elles rapportent. Il est évident, lorsqu'il parle de la puissance des machines, qu'il n'y voit qu'un moyen d'étendre son commerce et de gagner plus d'argent. Et comment parle-t-il des ouvriers qui l'entourent? Ils sont pauvres parce qu'ils sont vicieux et ne méritent point sa pitié, parce qu'ils n'ont pas cette nature de fer qui lui a donné la faculté de s'enrichir. Il n'a pas dit qu'ils étaient vicieux, mais imprévoyants, et qu'ils ne savaient pas se refuser un plaisir. Marguerite avait serré l'ouvrage de sa mère et se préparait à monter dans sa chambre. Au moment d'ouvrir la porte, elle hésita, poussée par le désir de proclamer une vérité qui, pensait-elle, ferait plaisir à son père. Mais il lui en coûtait de faire cet aveu, et ce ne fut qu'après avoir fait un effort sur elle-même qu'elle en vint à dire « Papa, je trouve que Mr. Thornton est un homme fort remarquable, mais sa personne me déplaît. Bref, je ne l'aime pas du tout. » « Et moi je l'aime infiniment, » répondit Mr. Hale. Qui ne put s'empêcher de rire. Je n'ai jamais dit qu'il fût un héros ou quelque chose d'approchant. Toutefois, sa personne me plaît beaucoup. et j'ai plus que de l'estime pour son esprit et pour ses qualités. Mais bonsoir, mon enfant, bonsoir, ta mère est fatiguée. » Marguerite avait remarqué avec inquiétude combien sa mère était pâle et abattue, surtout depuis quelque temps, et les dernières paroles de son père vinrent redoubler ses craintes. La vie qu'ils avaient à Milton était si différente de celle qu'ils avaient toujours menée. L'air semblait y être tellement dépourvu des principes vivifiants qu'ils respiraient à Helstone. Les embarras du ménage se montraient sous une forme si nouvelle et pesaient si péniblement sur la partie féminine de la famille qu'il y avait de bonnes raisons pour que la santé de sa mère fût sérieusement affectée. D'autres signes encore venaient effrayer Marguerite. Dixon et Mrs. Hale avaient ensemble des conférences mystérieuses d'où elle sortait tout en larmes et d'une humeur massacrante, ainsi qu'il arrivait toujours lorsqu'elle voyait souffrir sa maîtresse. Une fois, Marguerite était entrée dans la chambre de sa mère au moment où Dixon en sortait. Elle avait trouvé Mrs. Hale agenouillée et demandant à Dieu le courage et la patience de supporter ses douleurs. Marguerite souhaitait vivement de ranimer la confiance qui avait été brisée par le séjour qu'elle avait fait chez sa tante, et cherchait à se glisser dans le cœur de sa mère à force de soins et d'affection. Mais bien que ses caresses lui fussent rendues avec usure, elle sentait qu'il y avait un secret douloureux qu'on lui cachait soigneusement, et qu'elle supposait être relatif à la santé de sa mère. Elle resta longtemps éveillée, s'efforçant de trouver un moyen de combattre la mauvaise influence que leur séjour à Milton avait sur Mrs. Hale. La première chose à faire était de prendre immédiatement une servante qui permit à Dixon de consacrer tout son temps à sa maîtresse, dont elle connaissait les habitudes et saurait prévenir les besoins. Pendant plusieurs jours, Marguerite n'eut pas d'autre occupation que de visiter les bureaux de placement, de voir beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas lui convenir, et très peu qui fussent à peu près dans les conditions voulues. Une après-midi, elle rencontra Bessie Higgins, et l'arrêta pour lui demander de ses nouvelles. « Je vais mieux et je vais plus mal, » répondit la jeune fille, « si toutefois vous comprenez ce que je veux dire. »« Pas précisément, » lui dit Marguerite en souriant. « Je vais mieux, parce que la nuit je n'ai plus cette toux qui me déchirait la poitrine, mais je suis lasse de Milton. Je voudrais partir pour la terre de Bella, et quand je pense que d'être mieux que ça m'en éloigne, mon cœur s'en va et je dis que je suis bien pire. » Marguerite avait réglé son pas sur celui de la jeune fille. Elle resta une ou deux minutes sans parler. « Bessie, » lui dit-elle ensuite à voix basse et d'un air étonné, car la mort lui paraissait odieuse, comme à tous les êtres qui sont jeunes et pleins de vie. « Bessie, » lui dit-elle, « vous ne voulez pas mourir. » « Si vous meniez la même vie que moi, » répondit Bessie, après avoir à son tour gardé le silence pendant quelques minutes. « Si vous en étiez aussi lasse que je le suis, et qu'il vous arriva des fois où vous pensez que ça peut durer 50 ou 60 ans, comme on le voit pour les autres, et que ces 60 années-là vont se traîner autour de votre pauvre corps si malade, et se moquer de vous avec leurs heures et leurs minutes si longues. Oh, je te le dis, la belle fille, tu serais contente quand tu entendrais dire au docteur qu'il craint bien que tu ne puisses pas voir un autre hiver. » « Mais quel a été donc votre genre de vie, pauvre Bessie ?»« Pas plus mauvais que celui de bien d'autres. Seulement il le supporte, et moi je m'en impatiente. »« Mais quel est-il ? Vous savez que je suis étrangère et que je ne vous comprends pas aussi bien que si j'avais passé toute ma vie à Milton. »« Si vous étiez venu chez nous comme vous l'aviez promis, j'aurais pu vous conter ça. Mais vous êtes comme les autres, et mon père le dit bien, loin des yeux, loin du cœur. » »« J'étais fort occupé. J'avoue d'ailleurs que j'avais oublié ma promesse. » « C'est vous qui l'avez offert. Nous ne l'avons pas demandé. » »« Je m'en serais souvenu dès que j'aurais eu quelques instants à moi. Mais aujourd'hui, puis-je aller avec vous ?» Bessie jeta un coup d'œil rapide sur le visage de la jeune lady pour voir si le désir qu'elle exprimait était sincère. Son regard s'adoucit en rencontrant celui de Marguerite. « Il n'y a pas tant de gens qui s'intéressent à moi, » dit-elle. « Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir. » Elles marchèrent en silence toutes les deux côte à côte, et lorsqu'elles furent entrées dans une petite cour donnant sur une rue fangeuse, Bessie dit à sa compagne, « Faut pas vous inquiéter si mon père est chez nous, et s'il marronne tout d'abord. Il a, voyez-vous, pris de l'attachement pour vous. Il s'attendait à ce que vous alliez venir. Il en a parlé souvent de fois, et c'est justement parce qu'il vous aime qu'il a été vexé de ne pas vous voir, et que ça l'a mis hors de lui. Je n'aurai pas peur, soyez tranquille, Bessie. » Mais Nicolas n'était pas à la maison lorsqu'elles y arrivèrent. Une jeune fille couverte de haillons dégoûtants, un peu moins âgée que Bessie, bien plus grande et plus forte, coulait la lessive et bousculait tous les meubles qui se trouvaient dans la chambre d'une manière si bruyante que Marguerite se retira dans un coin où s'était assise la pauvre malade qui semblait exténuée de la course qu'elle avait faite. Elle demanda un verre d'eau à la sœur de Bessie, et pendant que la jeune fille courait le lui chercher en renversant une chaise et en faisant tomber les trois fers à repasser, elle dénoua le chapeau de sa compagne pour que la pauvre enfant respirât plus à l'aise. « Pensez-vous qu'une pareille existence mérite que l'on y tienne ?» demanda Bessie, d'une voix entrecoupée. Marguerite ne lui répondit pas et approcha des lèvres de la malade le verre d'eau qu'on venait de lui apporter. Bessie but avec l'avidité d'une personne qui a la fièvre, puis elle se rejeta sur le dossier de sa chaise et, fermant les yeux, elle murmura ces paroles. « Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif, et le soleil n'aura pour eux ni lumière ni chaleur. » Ne vous révoltez pas contre la vie, si pénible qu'elle soit, dit Marguerite en s'inclinant vers Bessie. Rappelez-vous celui qui vous l'a donnée et qui l'a faite ce qu'elle est. Je n'entends pas qu'on vienne faire des sermons à ma fille, dit brusquement derrière elle Nicolas Higgins, qui était entré sans qu'elle l'eût entendu. Ses imaginations méthodistes et ses visions de cité aux portes d'or et de pierreries lui font déjà assez de mal. Qu'elle les conserve si ça lui plaît, mais je ne veux pas qu'on la drogue davantage de toutes ces sottises-là. « Vous croyez certainement aux paroles que je lui disais ?» répondit Marguerite en le regardant en face. « Vous ne doutez pas que c'est Dieu qui lui a donné la vie et qui a voulu... Je ne crois que ce que je vois !» interrompit Nicolas Higgins. « Je ne crois pas un mot de ce que j'entends. Et bien loin de ça encore, j'avais entendu une jeune lady faire toutes sortes d'embarras pour savoir où nous demeurions, à cette fin de nous visiter. Et ma fille, que voilà, ne faisait plus qu'y penser, et elle devenait toute rouge au bruit des pas de chaque étranger qui passait dans la cour. Mais la voilà enfin, et qui sera la bienvenue, pourvu toutefois qu'elle se garde de sermonner ceux-là qui n'y connaissent rien. Ne vous fâchez pas, dit Bessie en essayant de se soulever et en posant la main sur le bras de Marguerite. Il y en a bien d'autres qui pensent tout comme mon père. Si vous les entendiez parler, vous seriez encore bien plus porté pour lui. C'est un si brave homme, voyez-vous. Mais oh mon Dieu, poursuivit-elle en retombant sur sa chaise avec désespoir, il me fait plus que jamais souhaiter de mourir avec tout ce qu'il me dit. Il y a tant de choses que j'ai besoin de connaître, et je suis tant saisie par la surprise lorsque seulement j'y pense. Pauvre fille, pauvre vieil enfant. Ça me fait de la peine de te fâcher. Mais un homme ne peut dire que ce qu'il pense, et quand je vois le monde aller de travers comme au jour d'aujourd'hui, et se casser la tête à des choses et il ne peut rien voir, tandis qu'il a sous la main un tas d'affaires à mettre en ordre pourvu que ça aille un peu mieux, je dis à ça, laissez de côté tout ce bavardage qu'on fait sur la religion, et occupez-vous de la besogne que vous avez à faire et qui vous crève les yeux. C'est là ma croyance. Elle est simple, pas difficile à comprendre et à exécuter. Ne pensez pas de mal de lui, répéta sa fille d'une voix suppliante. C'est un si bon homme, et je l'aime tant. Il y a des fois où je me dis que je ne verrai pas clair même dans la cité du bon Dieu, si mon père n'y est pas. Une rougeur fébrile couvrit ses joues et son regard étincela. Mais vous y viendrez, mon père, continua-t-elle, vous y viendrez. Oh, mon cœur! Elle porta la main à sa poitrine et pâlit affreusement. Marguerite la prit dans ses bras, appuya la tête de la pauvre enfant sur son épaule, écarta les cheveux rares et soyeux qui couvraient son front, et lui baigna les tempes avec un peu d'eau fraîche. Nicolas, avec cette pénétration que donne l'amour, comprenait d'un signe tout ce qu'elle avait à demander, et la sœur aux yeux ronds allait et venait sans bruit dans la chambre, obéissant aux chutes de Marguerite. Enfin, le spasme qui présageait la mort passa peu à peu. « Je voudrais me coucher, » dit Bessie, lorsqu'elle revint à elle. « C'est au lit que je suis le mieux. » Puis, saisissant la robe de Marguerite, « Vous reviendrez, n'est-ce pas ?» lui dit-elle. « Je le sais bien, mais dites-le-moi vous-même. »« Je reviendrai demain, » dit Marguerite. Bessie s'appuya contre son père, qui se préparait à l'emporter dans sa chambre, et qui, faisant un effort visible pour dire ce qui lui venait aux lèvres, se retourna vers la jeune lady au moment où elle allait partir. « Je voudrais qu'il y eût un Dieu, » dit-il, « quand ça ne serait que pour lui demander de te bénir. » Marguerite s'éloigna, triste et pensive, et n'arriva chez elle qu'après l'heure où habituellement on commençait à prendre le thé. C'était autrefois une grande faute aux yeux de sa mère que l'inexactitude dans les heures des repas. Mais aujourd'hui, ces menus détails avaient perdu le pouvoir d'irriter Mrs. Hale, et sa fille regrettait presque les doléances que faisaient naître jadis les infractions à la règle. « As-tu trouvé ce que tu cherches, mon enfant ?» lui dit sa mère. « Non, maman, cette Anne Buckley dont on m'avait parlé ne peut pas du tout nous convenir. »« Si je cherchais à mon tour, » dit Mr. Hale, « tout le monde a échoué dans cette grande entreprise. Pourquoi ne tenterais-je pas d'y réussir ? Il est possible que je sois la Cendrillon qui pourra chausser la pantoufle. » C'est à peine si Marguerite put sourire de cette plaisanterie, tant sa visite chez les Higgins l'avait oppressée. « Et comment vous y prendriez-vous, cher papa ? » demanda-t-elle. « Je m'adresserai à une bonne maîtresse de maison, et je la prierai de m'indiquer une servante dont elle me répondrait, elle ou ses domestiques. » « À merveille, mais il faut d'abord trouver la maîtresse de maison. » « C'est elle-même qui viendra vous trouver. » Et si vous êtes à droite, vous aurez avant peu tout ce que vous désirez. « Expliquez-vous, monsieur Hale, » lui dit sa femme, dont la curiosité commençait à s'éveiller. « La chose est bien simple. L'élève sans pareil, comme Marguerite l'appelle, m'a dit aujourd'hui que sa mère avait l'intention de nous faire une visite demain dans la journée. « Mrs. Thornton ?» s'écria Mrs. Hale. « La mère dont il nous a parlé, » dit Marguerite. « Mais je ne crois pas qu'il en ait deux, » répondit tranquillement Mr. Hale. « Je serais bien aise de la voir, » reprit sa femme. « Elle doit offrir un certain intérêt. Peut-être a-t-elle une parente qui pourrait nous convenir. Il paraît que c'est une excellente ménagère, économe, laborieuse. J'aimerais assez d'avoir à mon service une personne de sa famille. « Je vous en prie, ma chère, » dit Mr. Hale tout effrayé, « défaites-vous de cette idée-là. » « Mrs. Thornton a au moins autant d'orgueil et de fierté que Marguerite. Elle a complètement oublié cette époque de misère, ces jours d'épreuves et d'économie dont son fils parle avec tant de franchise. Je suis intimement persuadé qu'elle ne voudrait pour rien au monde que les étrangers puissent se douter de la chose. Veuillez croire, cher papa, que ce n'est pas du tout mon genre d'orgueil, si toutefois je suis orgueilleuse. Ce que je ne vous accorde pas du tout, bien que vous soyez toujours à me reprocher ma fierté. Je ne pourrais pas affirmer ce que je viens de dire au sujet de Mrs. Thornton, mais d'après ce qui m'est revenu de côté et d'autre, je ne crois pas être éloigné de la vérité. » Ces dames s'inquiétaient trop peu de ce que Mr. Hale avait pu recueillir sur la mère de l'élève sans pareil, pour faire de nouvelles questions à cet égard. Marguerite se demandait seulement s'il était nécessaire qu'elle fût là pour recevoir cette visite, ce qui la forcerait de n'aller chez Bessie qu'à une heure assez avancée, puisque les affaires du ménage prenaient toute sa matinée. Mais en y réfléchissant, elle comprit qu'elle ne pouvait laisser à sa mère tout le poids de la conversation, surtout avec une personne qu'elle n'avait jamais vue.